La légende dit que Charlemagne est venu chasser dans les épaisses forêts qui recouvraient à l'époque la vallée de Gérardmer. L'empereur se serait reposé près du seau des cuves, sur une grosse roche sur laquelle le fer de son cheval aurait laissé une empreinte. Quoi qu'il en soit, Gérardmer est une magnifique petite commune des Hautes-Vosges où il fait bon séjourner tout au long de l'année. Grâce à son domaine skiable, on peut pratiquer sur 40 km de pistes balisées le ski alpin, mais surtout effectuer sur plus de 100 km de magnifiques randonnées en ski de fond dans un paysage féerique de forêts de résineux qui regroupe sur les 5413 hectares de la commune plus de 5 millions de sapins et d'épicéas. Mais au fait, comment doit-on prononcer le nom de cette petite ville? J'ai posé la question à Jean-Claude Géhin, qui s'occupe de l'accueil à l'Office du Tourisme. Alors ça, c'est une longue histoire, mais qui se résume finalement en peu de mots. C'est-à-dire qu'il faut dissocier dans Gérardmer, Gérard, aimé. Le terme MER, qui termine donc le nom de la ville de Gérardmer, signifie en patois ancien local le jardin. Il s'est écrit de différentes façons à travers les temps. Et à son origine, il s'écrivait M-E accent aigu, ce qui veut dire que c'était en fait le jardin de Gérard d'Alsace, qui était duc de Lorraine et qui a donc séjourné plusieurs fois à Gérardmer. Il était propriétaire de terres aux abords du lac. D'où là une prononciation en fait qui s'est toujours maintenue, Gérardmer et non Gérardmer. Du printemps à l'automne, on vient à Gérardmer pour ses magnifiques promenades dans les forêts avoisinantes, mais aussi pour profiter du bon air des Vosges et pour s'adonner aux joies des sports nautiques sur le lac. Le lac est l'un des autres attraits de cette station climatique. Nous avons un lac qui fait en fait 115 hectares, soit 2,2 km de longueur. Ce lac qui permet bien sûr la pratique des activités nautiques en période estivale, de la planche à voile, la voile, la plongée, le kayak, l'aviron et bien sûr les traditionnels tours en vedette sur le lac d'une vingtaine de minutes. Donc effectivement, le lac qui est tout à fait blotti au milieu des montagnes dans une vallée glaciaire comme celle de Gérardmer fait en fait l'attrait en période estivale, parce que c'est vrai que Gérardmer n'est pas surnommé pour rien la perle des Vosges, et son lac intégré dans le paysage naturel que nous proposons, et c'est vrai qu'il a un attrait très intéressant. On peut bien sûr s'y baigner sans risque, c'est important de le préciser. Dans les Vosges, l'industrie du bois s'est fortement développée. Scierie, menuiserie, charpente, construction de chalets. Tout au bout du lac, on trouve l'une des deux saboteries de Gérardmer. Joël Hatton est artisan. Il fabrique surtout des sabots utilitaires et quelques autres pour la décoration. Il a le choix pour confectionner ses sabots car le bois ne manque pas. Mais il a quand même une préférence. Celui qu'on préfère, c'est donc celui-ci, c'est du platane. Le platane érable, hein, bien sûr. Le hêtre aussi, l'aune, le bouleau, le noyer, quand on en trouve. En petite décoration, le frêne et toutes sortes de fruitiers, voilà, qu'on utilise. Mais essentiellement du feuillu, le résineux ne convient pas, mais ça, c'est pas la peine. Donc, il n'y a pas de sabot en sapin? Non. Ça, c'est pour le folklore. Ceux qui croient ça, ce sont des gens qui n'ont jamais porté de sabot. On le fabriquera à la main, évidemment, on pourrait le faire en sapin. Ça, c'est... Mais à la machine, il va pas, il convient pas. On met encore des sabots pour jardiner? En priorité, c'est pour le jardin, oui. D'autres, c'est pour aller bricoler ou faire un petit tour autour de la maison ou quoi que ce soit avec les pantoufles, vous voyez bien, hein. Hop, on met ça dans les sabots et on va faire un petit tour. Hein. Dans cette saboterie du bout du lac, les arbres arrivent par camion entier. Ils sont débités à la scierie et réduits en morceaux de bois, en ébauche, qui passent entre les mains de Joël Hatton. Ce dernier va leur donner, grâce aux différentes machines dont il dispose, la forme d'un sabot. Donc là, il y a deux types de sabots. Hein. Donc celui-ci qui se porte comme une chaussure, il a donc le coup de pied en bois. Hein. Celui-là, il peut se porter avec une chaussette ou même avec une pantoufle. Hein. Et celui-ci qui est beaucoup plus ouvert, donc celui-là se porte avec une bride de cuir, une scie. Hein. Et celui-là, il se porte avec la charentaise, avec la pantoufle. Donc celui-ci, c'est la courte gueule, et ça, c'est la grande gueule. Vous êtes combien à travailler dans l'atelier ici? Tout seul. Vous êtes tout seul et vous fabriquez combien de paires de sabots par semaine? Quand on fait le sabot utilitaire, une fois que les machines sont réglées, bien sûr, on arrivera entre 12-15 paires par jour. 12-15 paires par jour? Oui, oui. Ça coûte combien une paire de sabots utilitaires? 130 francs la paire. « quittons quelques instants le lac de Gérardmer pour nous retrouver dans la belle vallée de Plainfin. Arrêtons-nous au hameau de Abourupt pour visiter la confiserie des Hautes-Vosges. Ici, on fabrique à partir d'essence naturelle les fameux vrais bonbons des Vosges. Bergamote, violette, framboise, myrtille, coquelicot et surtout bourgeon de sapin. Le patron de cette petite entreprise familiale, Jean-Marie Claude Pierre, nous explique pourquoi ces produits ont toujours la saveur d'autrefois. Vous avez pu voir qu'on travaille toujours dans des chaudrons en cuivre, comme autrefois, et à feu nu. L'avantage de travailler à feu nu, c'est qu'on a toujours donc la saveur du bonbon, comme vous l'avez en bouche, là. Donc une saveur qui est assez particulière, puisque le bonbon, en fait, est cuit à feu nu, et l'évaporation donc, de l'humidité qui est à l'intérieur est pratiquement totalement disparue, puisqu'il nous reste à l'arrivée 98% de matière sèche. Donc il n'y a plus que 2% d'eau d'humidité. Et de ce fait aussi, on aromatise donc sur la table, comme vous avez pu voir faire tout à l'heure. Et l'aromatisation avec nos arômes naturels est assez difficile. Vous avez pu le voir, on ne peut pas aromatiser n'importe comment. Ces arômes-là sont assez volatiles. Et il faut donc travailler ensuite la pâte à main nue pour qu'elle soit bien parfumée partout. Pour que tous les bonbons soient parfumés de la même façon. Et vous arrivez de sucer un bonbon comme ça dans votre voiture, qui vient de chez vous, uniquement pour le plaisir? Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris un bonbon. Mais ça, c'est pour vérifier s'il était bien parfumé. Oui, c'est pour vérifier, mais vous saurez que dans chaque véhicule, nous avons un paquet de bonbons. Et tous, que ce soit moi ou mon frère, ma soeur ou bien, nous avons toujours un paquet de bonbons dans les véhicules et à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Et disons qu'on en suce quand même de temps en temps, parce que c'est quand même très agréable de sucer un bon bonbon. Il faut dire ce qui est. Un vrai des Vosges. Un vrai bonbon. Jean-Marie Claude Pierre est heureux depuis qu'il a obtenu un prix important à ses yeux, le Mercure d'or, qui récompense un artisan pour la qualité de ses produits et la bonne marge de son entreprise. Nous quittons le hameau de Abourupt pour nous retrouver dans ce joli petit village du Valtin. À flanc de coteau se niche l'auberge du Val-Joli, où en hiver, la neige immaculée s'accumule jusqu'aux vitres du restaurant. Ici, deux générations de Laruelle veillent sur la cuisine. Écoutons d'abord Jacques Laruelle, qui accueille en compagnie de son épouse et de son frère les habitués de la maison depuis de nombreuses années et qui entend bien perpétuer la tradition du pays. Oui, nous restons dans la tradition, donc ça fait exactement 30 ans que je suis installé ici au Valtin. Et depuis 30 ans, on fait une cuisine du terroir, si on peut dire, notamment avec des spécialités du pays. Le pâté lorrain de la maison, la gamme des truites, la truite fumée, où on ne trouve pas cette truite ailleurs. Celle qu'on pêche juste derrière chez vous, dans le ruisseau? Non, maintenant, malheureusement, on n'a plus le droit de le faire. Les pêcheurs sont là quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture. On est dans les Vosges Lorraine, pas loin, il y a les Vosges Alsaciennes, donc il y a une influence indéniable. Il y a la choucroute chez vous. Oui, exactement, mais la choucroute, je la fais plus sur le versant donc vosgien, c'est-à-dire que c'est un peu la choucroute vosgienne. Le fumé n'est pas tout à fait le même, les saucisses sont pas tout à fait pareilles, donc c'est quand même la choucroute vosgienne. La cuisine vosgienne est une cuisine montagnarde, où le porc est souvent présent. Situé non loin du col du Bonhomme qui fait frontière avec l'Alsace, Gérardmer offre un fromage assez semblable au Münster alsacien, le Géromet, qui lui est plus affiné, plus blanc. Pour ce qui est des vins, les crus des coteaux alsaciens feront l'affaire. En ce qui concerne les desserts et les confitures, les fruits sont variés dans les Hautes-Vosges, comme le précise Jacques Laruelle. Alors ici, sur notre secteur, donc sur le Valtin, naturellement, ce qui fait la beauté des sites, c'est sa nature. Et là, vous trouvez donc dans cette nature des brimbelles, autrement dit des myrtilles, mais ici on les appelle les brimbelles. Cette baie sauvage noire, où après on a les dents qui sont noires aussi, mais c'est excellent. On trouve la mûre, la framboise, des airelles qui s'accompagnent très bien avec le gibier. Donc tout ça, c'est des fruits que vous trouvez l'été jusqu'au mois de septembre. Le fils Laruelle, il retrouve son compte dans tous ces ingrédients pour faire une cuisine qui évoluera peut-être au fil des années? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de produits dans les Vosges qui sont encore assez méconnus. Entre autres, le sauterret, c'est un poulet vosgien, un poulet d'élevage avec un élevage très strict. Et sinon, point de vue fruits, légumes, on peut trouver des recettes nouvelles avec ces légumes et fruits oubliés un peu. Au printemps, sur tous les coteaux, des milliers de jonquilles percent le gazon tassé et les dernières plaques de neige. En quelques jours, toutes les prairies de la région de Gérardmer se parent d'un manteau vert et or. C'est un incroyable ravissement qui donne lieu chaque année au mois d'avril à une fantastique fête avec Corso Fleuri, groupes musicaux et folkloriques, dont nous parle maintenant Jean-Claude Géhin de l'Office du Tourisme. Ah, la fête des jonquilles est ancrée depuis, je crois, 1932 à Gérardmer. Elle va avoir lieu cette année pour la 38e fois le dimanche 26 avril. Et Dieu sait que si vos auditeurs ont déjà eu la chance de venir à Gérardmer entre les périodes de début avril jusqu'au 20-25 avril, et de voir ces magnifiques champs de jonquilles parer les coteaux dominant Gérardmer et tous les environs, c'est quelque chose qui est pratiquement unique en paysage naturel. Et donc, on a voulu, à travers cette fleur naturelle magnifique, créer un corso qui honore en fait cette si jolie fleur qui est si vivace, parce que c'est la première fleur qui pousse dans les champs dès que la neige est fondue et que le printemps pointe le bout de son nez. Quittons Gérardmer à présent et dirigeons-nous vers le col de Sapois. Dans une petite maison isolée sur le bord de la route, Christophe Toussaint fabrique de drôles d'instruments de musique. Cet artisan luthier s'est spécialisé dans la confection d'épinettes des Vosges. Peut-on avoir cette vocation de subitement avoir envie de s'installer au cœur du massif vosgien pour fabriquer des épinettes? Mon grand-père faisait déjà des épinettes et ça m'intéressait à la fois de me mettre à mon compte, de travailler le bois, de créer des instruments parce qu'il y a beaucoup d'inventions à faire et puis de faire de la musique en même temps. Vous fabriquez et vous jouez de l'épinette, ça c'est important. Oui, si je faisais que d'en faire, j'occuperai que la moitié de mon temps, donc j'en joue, je l'enseigne aussi. Je fais tout ce que je peux autour de l'épinette. Il faut décrire l'instrument, hein. L'épinette ou le dulcimer, c'est une cithare, c'est-à-dire un instrument sans manche, et qui a deux groupes de cordes, des cordes mélodiques, et d'un autre côté des bourdons. Le principe des bourdons, on le retrouve sur les cornemuses, on le retrouve sur la vielle à roue. Quand on a ça, on a une épinette, on a un cithara hongrois, on a un dulcimer. On n'a pas parlé du bois que vous utilisez pour fabriquer une épinette. C'est un bois qui vient des Vosges. C'est uniquement des bois indigènes, des bois de pays. Épicéas, merisiers, noyers, érables, pruniers. Pour les chevalets, j'utilise le houx, parfois le buis. Le buis, il vient pas d'ici. Hein. Combien de temps il faut pour fabriquer un instrument pareil? C'est assez variable, hein. Ça va d'à peu près 2 jours jusqu'à une semaine et plus. Ça dépend du décor beaucoup et de la finition. Si on a une tête avec une volute, ça va demander beaucoup plus de temps qu'un simple biseau au bout de l'instrument. Oui. Alors si vous passez par la Lorraine, avec ou sans sabots pour parodier la chanson folklorique, faites un petit tour par les Hautes Vosges. Vous y découvrirez une région de France magnifique en toute saison. En effet, pour beaucoup, ce département français a été réduit au cadre austère d'une affaire qui a secoué pendant de nombreuses années l'Europe entière. L'affaire Grégory, une affaire pénible, toujours non élucidée. Notre balade en France se poursuit dans quelques instants avec la deuxième partie de ce programme. À tout de suite.